boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir, soirée inspiration. Je prends des morceaux que j'aime bien en ce moment, je les mixe et je fais une playlist qui va durer une heure avec RVR dans Pop and Rock. À l'instant donc, c'était Foo Fighters. Foo Fighters, hein, sont très très Nickelback, je trouve, pour ce groupe de Seattle. Seattle, rock, musique, Dave Grohl. Dave Grohl, c'est le nom du créateur de Foo Fighters. Ça vous fait penser à rien? Ben dommage, ça devrait vous faire penser à Nirvana. Dave Grohl, c'est l'ancien batteur de Nirvana. Allez, trêve de petite histoire, on fonce maintenant sur Manchester Orchestra, deuxième groupe du soir, le groupe de Andy Hull. C'est un groupe issu d'Atlanta, aux États-Unis. Mais Manchester, c'est bizarre hein, d'avoir un groupe comme ça. Ça s'appelle Manchester Orchestra. Manchester, ça me fait penser aux Smiths, aux Stone Roses, à New Order et autres Happy Mondays chers à mon pote Stéphane. On écoute donc Manchester Orchestra avec le morceau Virgin, sans aucune influence des groupes précités, mais une belle sauce teintée de rock et de Chattahoody. You don't live, but you know someone you can build hybrids, just like anyone would breeze. And I know you've got a long way to go. I know you've got so far. This house with our hands and our time. Notre sac à dos, nos meilleures chaussures de marche pour continuer notre promenade du soir. Après avoir foulé le rock de Seattle, avoir trempé nos pieds dans la rivière qui passe à Atlanta, on saute maintenant d'un bond de géant pour se retrouver en Australie et retrouver RVG, Romy Vigor Group, le groupe qui sera très bientôt, ou même qui est labellisé maintenant Pop and Rock. On va écouter donc le groupe de mon ambrogine préféré, Romy Vigor. Le morceau s'appelle Eggshell World. I wasn't sad, but I wasn't happy. Till the night unfold, got mistaken for somebody. Welcome to my eggshell world. I wanna go home, but I wanna stay under the moon. if there were two of me, well, one could be with you, one that lives, the other hurts, breaking their skin on the eggshell world. Doing what you prefer. I should have come here with a hammer to break apart the eggshell world. I wanna go home, but I wanna stay under the sun. If there were two of me, one would stay and run. But truth be told, we are meant to bury ourselves in the eggshell world. Maintenant, on sait, on écoute. Dernier morceau pas encore sorti de Sisters. Le morceau s'appelle Show Me. We'll be right back. Xiaomi, un des morceaux que les Sisters jouent en concert depuis quelques temps mais que nous ne trouvons pas encore dans un album studio. Pour enchaîner compliqué, j'ai donc choisi Woven Hand avec le morceau Story and Pictures. Shook out my salvation in all four corners of my room. Lowly is the dust, trustworthy the broom. White lady growling on a chain, peacock call the sound of my lover's name. The tone was pure and played on guts from your birdhouse aflame. As a boy, I too drew near to the love of dust. Tough skin, blue light cowboy, idle hands a rust. Serpents and harmless as doves. Let's allow the emptiness to fill, rich in mercy and brotherly love. Your fire burns for me, red as grace. The blush came. Sur RVR et dans le cadre de nos soirées inspiration, on est capable de passer du coq à l'âne. On va passer donc de des Sisters à Woven Hand comme à l'instant, et de Woven Hand on va passer à un bonbon acidulé londonien, le groupe des garçons bien coiffés, bien habillés de Boxer Rebellion. Le morceau s'appelle Diamond. Je pense qu'on dit comme ça en anglais, hein. Petit groupe bien propre. The Boxer, Rebellion, Diamonds. Pretty little thing, you feel something. Did you always want me to be something? To mend a broken heart from a devil of shallow nonsense. Turn your world upside down. Whatever said, did it mean something? Whatever said, did it mean nothing? And did I look the part when it's all said and done? When it's all said and done. I'm no good next to diamonds. When I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? I'm no good next to diamonds. When I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? Truth from you, just hang my head when I put you through. I wasn't good enough when what's done is done, love. When it's all said and done. But I'm no good next to diamonds. When I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? Things are far away, further than ever was. Further than ever was. Further than ever was. Further than ever was. Further than ever was. Deep. infinity part outside, blocking somebody in. Shadow Puppets pour un petit voyage dans l'univers des Peaky Blinders qu'on va prolonger avec Royal Blood pour un second morceau de la bande originale des Peaky Blinders. Le morceau s'appelle Come On Over, le groupe c'est The Royal Blood. Les morceaux choisis pour la bande originale des Peaky Blinders, de Last Shadow Puppets à Royal Blood, en passant par Laura Marling, PJ Harvey et autres Jack White. Ouais, mais ce soir, c'est avec un de mes groupes belges préférés que je vous propose de prolonger notre playlist. On écoute Intergalactic Lovers avec le morceau She Wolf. It started out good like it always does. We were so damn happy, we were so in love. And I know that you're a good man. Yeah, I know that you are gold. Got a real bad tendency though to turn good shit into mold. Run, run, run as fast as you can. parce qu'en musique, l'abondance n'est pas l'ennemi du bien, un deuxième morceau de Intergalactic Lovers, cette fois-ci en live, Give It Up. Que je ne vous avais pas proposé une pépite des années 80. Alors du coup, j'y vais à fond. Vous connaissez ça? Faites gaffe, ça dure 10 minutes. We'll be right back. Around. fool over here is smiling. Because if he's smiling, it means it's been a really good show. He's smiling. Dave's happy. I'm happy. You're happy. Tainted Love, morceau sur lequel tous vos parents, vos grands-parents ont peut-être chanté, dansé, crié, sauté sur des pistes de boîtes de nuit. Allez, c'est temps de se quitter, on va se quitter avec le chanteur de Soft Cell, Marc Almond, avec un album qui date aussi des années, la fin des années 80, début des années 90. On écoute donc Marc Almond pour se quitter, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. They're bringing back the old rules. Dust that night.